cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في درسنا الأخير أخذنا ما يتعلق باسم الرزاق وكذلك اسم الرازق وهذا أظن أن سواضح pour tout le monde أي معنى هذا الاسم وما ذكرنا أو ماذا ذكرنا من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم آثار الإيمان أي les fruits que المؤمن va tirer de cette compréhension de هذا الإيمان العظيم de ce nom الرزاق عندما تفضل أعد يقنع العبد من هذه الرزق أو يقنع أي نعم يقنع العبد بما رزقه الله سبحانه وتعالى القناعة لماذا لأن الله عز وجل الرزاق أي الرزق الله سبحانه وتعالى قدره أي شك عبد كنت الله سبحانه وتعالى إلكخ Et هذا العبد il est encore في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيكتب رزقه وأجله إلى آخر الحديث donc هذا الرزق il est مكتوب الإنسان يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى القناعة c'est le fait d'accepter ce que Allah سبحانه وتعالى nous a donné et ça nous suffit Et كم من الناس طغوا بسبب المال وكثرة المال. Donc c'est pas un mizan هذا. أن celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, أنه il est على صواب, il est على هدى, il est forcément bon, il est forcément guidé là. Et كذلك celui qui n'a pas beaucoup, ça veut pas dire qu'il est mauvais. أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم الميزان في التقوى أما المال فالله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يحب ومن لا يحب دونك القناعة مهم أن الإنسان يشبع ويقنع بما أتاه الله كذلك تفضل شكر النعمة نعم لأن الرزق هو نعمة عظيمة فعلى المؤمن أن يشكر الله عز وجل فسي الله الرزاق سي الله كي لي أدوني كذلك محبة الله سبحانه وتعالى نعم زيد ما فليس بين يدينا النتيجة نعم فالتوكل على الله الإنسان لا يخاف من الرزق أو أن الرزق ما سيأتيه كما قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون تقدم معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يتأملوا أن الله عز وجل إلى ستي اسم الرزاق أبخل عبادة قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Ça montre ماذا Ça montre أن on a été créé pour adorer Allah عز وجل فاعبد الله فاعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين الرزق ça viendra الكافر الله سبحانه وتعالى lui donne الحشرات les insectes الله سبحانه وتعالى leur donne فأنت en tant que مؤمن الله te donnera فلا تخاف من الرزق et كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير chaque oiseau le matin quand il sort de son nid quitte son nid فكما جاء في الحديث انه يغبيان شبعان هذا tous les jours tu as déjà vu un tas des oiseaux tomber tomber du ciel li annahum ils sont morts de faim. Là. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le razaq. Fala takhaf min ar-rizq. Concentre-toi sur le pourquoi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé l'ibada. Sans négliger, bien sûr, talab al-halal, comme on a vu dans notre dars. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. فهذا ثمرات عظيمة de هذا الاسم العظيم. قال رحمه الله الرشيد هذا الاسم اختلف أهل العلم في ثبوته. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que من أسماء الله سبحانه وتعالى الرشيد أم لا؟ أما الشيخ سعدي رحمه الله فذكره. Il l'a cité comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّهُ لَا دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْإِسْمِ. قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الكافية الشافية أي النونية لابن القيم. هذا سامصدر طيب. On ne doit pas négliger dans notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn al-Qayyim, comme تعلمون, il a écrit une célèbre poésie al-Nouniya fi bayan aqidati ahli sunnah al-firqat al-najiyah, et beaucoup de versets ou beaucoup de vers, il a cité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et كثير من العلماء, ils ont expliqué ce poème. Minhum al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayh, il a expliqué des ta'liqat. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, الشيخ الفوزان, الشيخ الهراس et d'autres. فسي un مصدر مهم. الشيخ ابن عثيمين il l'a expliqué avec un شرح جميل et d'autres savants. فابن القيم رحمة الله عليه il cite le nom dans le verbe, et انت si tu veux l'explication, enfin tu reviens à l'explication d'un savant de la sunna et tu verras que tu vas profiter جداً. فابن القيم رحمة الله عليه لا ستة من أسماء الله في النونية قال وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران فقوله وهو الرشيد أي أثبته اسما لله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين قال رحمه الله والرشيد لا أعلمه من أسماء الله لكنه لا شك أنه من أوصافه. فهذا الصحيح أن il n'y a pas de دليل أن الله عز وجل من أسمائه الرشيد, لكن on a des أدلّة أن الله سبحانه وتعالى موصوف أي من أوصافه, لكنه لا شك أنه من أوصافه أي الرشد. قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن هذه الآية وغيرها العلماء أثبتوا صفة الرشد لله عز وجل, أن الله سبحانه وتعالى يجد كي إيفو إليغار كي إيفو سبحانه. ومن يضلل الله فلا هادي له, ومن يهدي الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, كما جاء في الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين لأن الرشد إحسان التصرف وضده السفه, ودليل ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله رشدا يعني سدادا في بيعهم وشرائهم. ça c'est pour montrer معنى الرشد. c'est pas un دليل أن c'est un وصف من أوصاف الله عز وجل. نعم, لأن الرشد هنا c'est les liyatam, et quand ils grandissent et ils comprennent les choses, ils savent c'est quoi qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux. فَفِي هَذَا الْحَالِ, celui qui était responsable de leur argent, il leur donne leur argent, ça devient des adultes, c'est eux qui vont utiliser cet argent. هذا pour montrer الرشد. نعم. قَالَ فَلَا شَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَشِيدٌ. رَشِيدٌ هنا من باب الإخبار والوصف, فأنه سأسم. لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وديب الكلام قال أنه pour lui c'est pas un nom d'Allah سبحانه وتعالى. لا أعلمه من أسماء الله، أي أنا بالدليل على هذا. قال وأن الرجل له معنيان، الأول أن أقواله وأفعاله وأحكامه كلها رجد كما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ السعدي رحمه الله. قال فرشيد هنا بمعنى راشد، بمعنى راشد أن أقواله وأفعاله وأحكامه كلها رشد، أي لنود الله سبحانه وتعالى أو plutôt ses actions et tout ce que الله سبحانه وتعالى fait, tout ce qu'Allah décide, حكم كوني أو شرعي, tout ça s'est fondé sur الرشد, sur la guidée, sur la droiture. فالله سبحانه وتعالى رشيد بمعنى راشد أي فعيل على وزن فاعل. Le deuxième sens, قال الثاني أنه مرشد الحيران فتكون فعيل بمعنى مفعل. نعم فعيل بمعنى مفعل أي أنه c'est lui qui guide. فses actions سبحانه وتعالى elles sont basées fondées sur la droiture et la guidée et كذلك c'est lui qui guide les autres. فاعل بمعنى فاعل فاعل بمعنى مفعل. هذا صاغي beaucoup dans la langue arabe et on l'a déjà cité كثيرا مثل هذه الفوائد par rapport aux أوزان dans certains noms. فهذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فالخلاصة de هذا الكلام أن on n'a pas de دليل على هذا الاسم، on a plutôt des أدلة على إثبات صفة الرشد لله سبحانه وتعالى. ويغني عنه إلى قريب منه في المعنى اسم الهادي، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل على fin de cette رسالة. اسم الهادي أي celui qui guide. فهذه المعاني qu'on va lire معاني طيبة لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالرشد وهو رشيد أي من باب الإخبار والوصف، هذا ثابت وإلا فالاسم لم يثبت. فلمعاني كون فالير لو سانس كون فالير الآن أو plutôt les paroles de Cheikh Saadi كون فالير فصحيحة، لكن pour nous en tant que صفة الله سبحانه وتعالى له صفة الرشد، إمن قال بإثبات الاسم فالكلام إلي واضح. فصفة الرشد ثابتة لله سبحانه وتعالى، أما الاسم فلا نعلم دليلا على ثبوته والله أعلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهو الرشيد الذي أقواله ورشده أقواله نعم وهو الرشيد الذي أقواله رشد وأفعاله رشد وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي. فهنا رشيد بمعنى راشد أي أقواله وأفعاله كلها ولله الحمد رشيدة. Toutes les paroles d'Allah سبحانه وتعالى, tous ses actes عز وجل, ils sont fondés sur الرشد, sur la droiture. قال وهو مرشد الحائرين. هذا c'est le deuxième معنى. رشيد فعيل بمعنى مرشد مفعل. نعم أي أن الله سبحانه وتعالى يجد les autres. وهو مرشد الحائرين تقدم معنا هذا اللفظ dans le livre qu'on étudie ensemble تحفة الإخوان الحيارة الحائرين أي الذين يتخبطون à cause de leur ignorance. حائر il sait plus ce qu'il fait, il est perdu. فالله سبحانه وتعالى يهدي الحائرين الجاهلين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي. نعم فالله سبحانه وتعالى يجد كي إلبه ينجده إما حسية في الطريق إما الطريق المعنوي. أي الله سبحانه وتعالى يجد beaucoup de gens من الكفر إلى الإيمان des كفار qui se convertissent أو من الجهل إلى العلم de l'ignorance à la science أو de la بدعة à la سنة. قال فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a envoyé les messagers pour montrer la guidée à هؤلاء البشر aux êtres humains. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة ويرشد عبده المؤمن إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه. فسعمون خلنا هذا الرشد إلى دي أسباب دي كوز. من أعظم الأسباب الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء دعاء عظيم. Et on demande tous les jours, plusieurs fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. قال ويسره لليسرى وجنبه العسرى والرشد الدال عليه اسم الرشيد وصفه تعالى والإرشاد لعباده. نعم الرشد الدال عليه اسم الرشيد c'est une صفة كما تقدم. الاسم on a pas de دليل والإرشاد للعباد. قال فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان. كن فيكون تسمي أن الأقوال القدرية قول الله سبحانه وتعالى دو كاتيغوري الأقوال القدرية كن فيكون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de créer une chose, il dit « kun fayakun » et « aqwaluhu al-shar'iyya » Maintenant, le Coran, c'est « qawlullah », c'est « kalamullah » et c'est un « qawl shar'i » C'est lié au din directement. « Qala fa aqwaluhu al-qadariyya lati yujad biha al-ashya wa yudabbir biha al-umur kulluha haq l'ishtimaliha ala al-hikma » Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide de créer une chose, la shak annahu c'est fondé sur al-hikma. C'est le hakim, subhanahu, et هذا تقدم معنا. قال والحسن والإتقان أو على الحكمة والحسن والإتقان وأقواله الشرعية الدينية وهي أقواله التي تكلم بها في كتبه. donc أقواله الشرعية c'est la révélation القرآن والتوراة والإنجيل وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الإخبار والعدل نعم على الصدق التام في الإخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الأمر والنهي. نعم وهذا تقدم معنا كثيرا كسوا في اسم الحكيم أطخ. قال وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد بل لا حصول إلى الرشاد بغيرها أي كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية أي الوحي الله سبحانه وتعالى إلى غيبه أسمى السجري pour les guider. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رشيد أي له وصف الرشد il aime la guider et il veut guider ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a envoyé des messagers et révélé des livres. قال فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله. Celui qui recherche la guidée, الهدى, ou l'istiqam, la droiture, et le bien, dans autre que le Coran, ou le sunnah, أضله الله. Allah il l'égarera. لماذا؟ لأن il n'y a que ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est muttasib bihadha al-wasf al-azim ar-rujd et istawadna anna pour pouvoir suivre cette guidée Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé la révélation à ses messagers et ces messagers alayhim as-salatu wassalam jami'an ils ont transmis hadha al-nour. Donc celui qui veut la guidée il y a que ce chemin comme قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يكسشنا هذا الصراط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيل واحد. اهدنا الصراط المستقيم. صراط واحد. C'est quoi cette voie qui est fondée sur le rouge, sur la guidée? Et celui qui la délaisse, c'est gaga, Allah il est gaga. C'est Al-Quran ou Al-Sunnah. الوحي لا ريفيلاسيون دالله سبحانه وتعالى. قال ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. تامل قوله يسترشد ça montre فعل السبب ان الانسان لا attend pas la guider sans faire des efforts. لا فلا بد من هذا الاسترشاد أي tu recherches. الاستعانة c'est طلب العون، الاستغاثة c'est طلب الغوث، الاسترشاد c'est طلب الرشد. فالإنسان il doit demander. Et c'est من أعظم الأسباب الدعاء، faire des invocations، demander à Allah qui nous guide. كذلك étudier cette révélation، لأن pour suivre هذا الطريق il faut forcément du علم. إلا فكمن suivre un chemin si on ignore. C'est comme un tariq al-hissi. Si tu te renseignes pas et tu veux voyager et tu sais pas où que tu vas, enfin, ça t'étape. Mais celui qui veut, il veut arriver à sa destination, enfin, il demande. Et il connaît le tariq et il fait les asbab pour voyager et il arrivera bi idhnillah azza wa jalla. Fa hakadha ar-rujd al-ma'nawi, la guider. Hakadha l'insan, il demande. Il fait le dua. Kadhalik, il étudie cette révélation, le Coran ou le Sunna, بقدر ما يستطيع. Et بإذن الله عز وجل, il sera guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, كريم. قال, ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. Et هذا, ça nous montre que celui qui délaisse le Coran ou le Sunna, il n'est pas sur le haq. Et il n'est pas guidé. Même s'il a un bon comportement, même s'il est éloquent, même s'il prétend être sur la vérité, même s'il a des suiveurs, tout ça, c'est pas des preuves annahu il est sur le haq. Celui qui est sur le haq, c'est celui qui suit le haq. Et le haq, c'est le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla et la sunna, la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Tout ça, bien sûr, avec la compréhension des compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum et ceux qui les ont suivis. قَالَ فَيَحْصُلْ بِهَا الرُّجْدُ الْعِلْمِ وَهُوَ بَيَانَ الْحَقَائِقُ وَالْأُصُولِ والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية فيحصل بها الرشد العلمي. نعم أي celui qui fait les efforts بإذن الله عز وجل il connaîtra la voie droite et pourra la mettre en application et il connaîtra الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار. Il saura ce qui est bien pour lui, ce qui est profitable pour lui, ce qui lui fera du mal, que ce soit pour son dîn ou pour dunya. Il connaîtra les fondements de هذا الدين, il connaîtra les فروع, il connaîtra sa aqida, il connaîtra comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsul biha ar-rujd al-amali fa innaha tuzakki an-nufus wa tutahhir al-qulub. هنا في الحقيقه من تامل يجد فائده عظيمه ان الرجد اي العلم c'est pas suffisant. Comme min an-nas, ils connaissent parfaitement la guidée lakin ils mettent pas en application. Robama, ils ont fait des efforts pour connaître cette guidée. Ils ont lu, ils ont appris. Lakin, al-rujd al-amali, ay mettre en application, fatarakouh, ou ahmalouh. Imma ils l'ont délaissé, imma ils mettent pas en application ce qu'ils connaissent à la wajh al-sawab avec ikhlas ila akhri, wa hada c'est khatir jiddan. Donc on fait les efforts pour rechercher cette guidée. Et كذلك on met en application. Emmagasiner des informations فقط, apprendre des hadiths, apprendre des versets du Coran al-Karim, tout ça c'est une route, c'est la guidée. Lakin si l'insan il met en application, c'est contre lui. كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. Et là chacun le Coran c'est من الرجد, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le met pas en application, c'est une hujja contre lui, yawm al-qiyam. Hada, c'est muhim. Donc, on fait des efforts. Fi al-ilm, wa al-amal. Qala, tuzakki nufus, wa tutahhir al-qulub, wa tad'u ila aslah al-a'mal, wa ahsan al-akhlaq, wa tahuthu ala kulli jamil. Na'am. Hada al-rujd, hada al-din. C'est pour purifier nos cœurs. كذلك c'est pour nous guider vers les bonnes choses et nous écarter des mauvaises. كذلك c'est pour améliorer notre comportement et tout ce que l'être humain il a besoin, toutes les bonnes choses. وتحث على كل جميل وترهب عن كل ذميم رذيل فمن استرشد بها فهو المهتدي ومن لم يسترشد بها فهو ضال ولم يجعل لأحد ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدي المطلق. نعم فالحجة سي الرسل la ghayr. Celui qui veut le haqq, celui qui veut suivre la guidée, فليبحث اولا qu'il fasse des recherches, c'est quoi cette guidée? Avec l'ilm, en étudiant le Coran et la Sunna. Wa illa fa autre chose, c'est pas des hujjaj. Voilà, kalam an-nas, on peut le prendre, on peut l'accepter. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient peu nombreux, c'est pas un mizan pour peser les choses. Annahu c'est haqq am la. La. Al-haqq, la vérité, elle est dans les textes, dans la révélation. قال فكم بفضله هدى فكم بفضله هدى ضالا وارشد حائرا وخصوصا من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه. Et ça, c'est min fadlillah subhanahu wa ta'ala al-wasi'. Et هذا في الحقيقة c'est al-thamara. Si tu as compris أن من أوصاف الله سبحانه وتعالى الرشد. Et certains savants yuthbitouna isma al-rashid comme taqaddam parmi le Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. Fait, si tu as compris هذا, normalement ça doit te pousser à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَمْ بِفَضْلِهِ هَدَى ظَلًا وَأَرْشَدَ حَائِرًا. كَمْ مِنَ النَّاسِ. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. بَعْضُهُمْ du jour au lendemain, ils ressent ce besoin de se convertir. Ou de lire le Coran. Ou de suivre sunnat al-Nabi alayhi salatu wasalam. هَذِهِ الْإِرَادَةِ qui est dans le cœur, cette volonté, elle vient d'où? ربما personne lui a parlé. مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah subhanahu wa ta'ala arada li hada al-abd al-khayr. Donc parmi les fruits qu'on doit essayer de développer et de mettre en application, c'est shukrullah subhanahu wa ta'ala. Lana celui qui est ala hada al-sabil, sabil al-rashad, al-Qur'an wa sunna ala fahmi al-salaf, il doit être reconnaissant. Lana qawluhu fa kam min fadlihi hada ضَلًا وَأَرْشَدَ حَائِرًا كَذَلِكَ كَمْ مِنَ النَّاسِ. Ils n'ont pas été guidés. فَأَنْتَ si tu as été guidé, فَحْمَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et ceux qu'Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il n'a pas guidé, c'est بحق, c'est بحكمة, c'est بعدل, لأن الله سبحانه وتعالى il est juste. قَالَ وَخُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْهُدَى مِنْ صَمِيمِ قَلْبِهِ. C'est pas une simple demande في الحقيقة. تَأَمَّلْ قَوْلَهُ مِنْ صَمِيمِ قَلْبِهِ. Ça montre قوه التوكل على الله et قوه الاخلاص. ان هذا الانسان du plus profond de son cœur il demande à Allah azza wa jalla guider. Ya muqallib al qulub thabbit qalbi ala dinik. هذا الدعاء c'était من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il répétait souvent هذا. Pourtant c'est l'être humain qui a été le plus guidé, c'est le meilleur des hommes. مع هذا يدمندي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن si tu as été guidé, ça ne veut pas dire que tu vas mourir sur la guidée. أخي الكريم. إنما الأعمال بالخواتيم. فلهذا on doit être reconnaissant et on doit demander à Allah عز وجل الثبات qui nous préserve على هذا السبيل, سبيل الرشاد. Et الطلب doit être من صميم القلب, pas بغفلة. Ça devient automatique. في السجون on dit اللهم اهدنا, on ne sait même plus combien de fois on l'a dit, ou est-ce qu'on l'a dit, amla. Ça, c'est un qalb ghafil. Amma, le qalb que le Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, il a décrit هنا, فَوَصَفَهُ بِوَصْفٍ عَظِيمٍ مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ أي بِإِخْلَاص وَاعْتِمَاد وَحُسْنُ ظَنْ. C'est-à-dire qu'on a des bonnes pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala, أنه إِنُ قِدْغَ عَزَّ وَجَلْ. Et on fait des efforts et on demande à Allah Azza wa Jal al-thabat. قال وعلم أنه المنفرد بالهداية كذلك سدقيدي. On la demande qu'à Allah Azza wa Jal. إنك لا تهدي من أحببت. الهداية على نوعان كما تقدم معنا كثيرا. هداية البيان والإرشاد, هذه بطولة للرسل وأتباع الرسل. Le fait de montrer, on peut نحن montrer la guidée. أما la deuxième catégorie, هداية التوفيق. هداية التوفيق أي أن الله سبحانه وتعالى il guide. Il n'y a que lui qui est capable de guider cet être humain, de guider son cœur. فهذه ألي لله. فأنا demande à Allah سبحانه وتعالى cette guidée et on fait des efforts pour connaître l'autre guidée. أي العلم والبيان. Et quand on ne sait pas, on demande. هذا اسم عظيم. فالواجب علينا جميعا c'est de faire beaucoup d'efforts pour préserver هذا الرجل هذه الهداية. Si on est guidé et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse mourir ala al-huda. Et كذلك لا شك أننا on ignore des choses, لا شك أننا on se trompe dans certaines choses. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih, avec هذا القلب قلب خالص معتمد على الله سبحانه وتعالى. وكذلك نشكر. On doit être reconnaissant. Donc هذه معاني عظيمة par rapport à صفة الرجل. أما تقدم معنا أن الاسم ففي ثبوته نظر الله أعلم. كلام الشيخ ابن عثيمين هو الأظهر. أي الصواب سيء. On n'a pas de dalil à l'ism al-Rashid. Qala rahimahullah al-Rafiq. Wa min asma'ihi al-Rafiq. Fi af'alihi wa shar'ihi. Wa hadha qad ukhidha min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-sahih. Inna allaha rafiqun yuhibbu ahla al-rifq. Wa inna allaha yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-umth. هذا الاسم ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن سنو إلى باستي, لكن تقدم معنا في القواعد المثلى أن أسماء الله عز وجل توقيفية. يسفي دان دليل من القرآن أو من السنة. Même si le nom il est pas cité dans le Coran, s'il est cité dans سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي صحيح, فسي une preuve pour affirmer أن الله عز وجل il a ce nom. فقوله إن الله رفيق, هذا c'est un دليل. Et c'est ça le صواب. بعض العلماء لا يثبتونه, لكن الصواب c'est que c'est bien اسم من أسماء الله عز وجل. قال إن الله رفيق يحب أهل الرفق وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالرفق c'est اللين, c'est la douceur. فالله سبحانه وتعالى رفيق, فله صفة الرفق. كذلك اسم الرفيق ثابت. يحب أهل الرفق, et ceux qui ont هذا الوصف الرفق la douceur, الله سبحانه وتعالى يحبهم. وإن الله يعطي على الرفق, أي celui qui est doux et qui fait les choses de manière, il utilise الرفق, la douceur, في أقواله في أفعاله, فلا شك أنه il aura plus de résultats que celui قال ما لا يعطي على العنف. العنف c'est le contraire du الرفق. الرفق c'est la douceur, العنف c'est la dureté. قال الشيخ سعدي والله تعالى رفيق في أفعاله. الله سبحانه وتعالى سر رفيق ومن أوصافه الرفق إلى رفيق في أفعاله. من تسك الف سبحانه خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه, مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. يتأمل خلق السماوات والأرض, أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام, مع أنه عز وجل لا شك أنه il est على كل شيء قدير. Il est capable, il était capable de créer les cieux et la terre en une seconde أو أقل. كن فيكون, يروي les cieux et la terre. لكن الله سبحانه وتعالى رفيق. تأمل خلق الإنسان. Allah, il aurait pu créer l'être humain directement dans le ventre de sa mère sans attendre 9 mois. Et l'embryon, toutes ses étapes, jusqu'à que cet enfant il atteigne l'âge de 9 mois. Thumma, il sort du ventre de sa mère. Allah, il aurait pu le créer directement. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, rafiqun. Chaque chose qu'il fait, c'est birifq. Et c'est bihikma. Et tu vois, jusqu'à présent, le kalam qu'on a lu, tu vois le lien entre ism al-rafiq et ism al-hakim. Et ism al-Ra'uf et al-Rahim. Et bien sûr al-Rahman. قال ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيء بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. كذلك في شرعه سبحانه. تقدم معنا des exemples avec les cieux et la terre en 6 jours, l'être humain en 9 mois. وهكذا الشرائع. مثلا الله سبحانه وتعالى il a interdit الخمر l'alcool en plusieurs étapes. Au départ, Al-Mu'min n'avait pas le droit de boire avant de faire le salat. Il n'avait pas le droit de faire le salat en état d'ivresse. ثم تدريجيا حتى à la fin Allah subhanahu wa ta'ala حرم بالكلية le boire, le vendre, l'acheter, le transporter إلى آخره. Tout ça c'est من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده et c'est كذلك من رحمته عز وجل. قال فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار. Ces trois mots ils se ressemblent. الرفق, la douceur. السكينة, Sakina, c'est le fait d'être calme, posé. Wa waqar, et ça ressemble كذلك. Et tiba'an li sunanillahi fil kawn, wa tiba'an li nabiyyih, sallallahu alayhi wa sallam. Fal muta'anni, كذلك ta'anni, ça ressemble. Al-ana, ça ressemble au rifq, ça ressemble à sakina. Et faire les choses tout doucement. Limadha li anna al-ajala min al-shaytan. Il y a un hadith. في هذا المعنى فيه كلام لكن لا شك أن المعنى لي صحيح أن العجلة من الشيطان se précipiter c'est من الشيطان dans certains cas نعم la précipitation c'est طيب et c'est من الرفق في الحقيقة بالإنسان لنفسه نعم فاستبقوا الخيرات أي le fait de se précipiter à faire le bien là c'est pas ça le مراد لأن quand la chose elle est claire tu peux faire un bien Si tu te précipites à le faire, alhamdoulilah, là, on parle à l'umour où il n'y a pas besoin de se précipiter. Ben, le fait de se précipiter, ربما الانسان, il se fait du mal. Ou, il fait du mal aux autres. Comme minannas, ils ont divorcé à cause de al-ajla. Et c'est minash shaitan, à cause de la précipitation. Comme minannas, ils ont tué à cause de la précipitation. Comme minannas, ils sont enfermés en prison. À cause de la précipitation. Comme minannas, ils sont à l'hôpital, ils sont blessés à cause de la précipitation. En voiture ou autre. Al-ajla c'est minash shaitan. Et at-ta'anni c'est tayyib. Qala fa'in kana hadha hadyuhu wa tariquhu tatayassar lahu al-umur. Après avoir cité al-ma'ani fi haqqillah, anna Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, et tous ces aqwal, ces af'al, c'est fondé sur al-rifq, sur la douceur, azza wa jal. انتقل رحمه الله الى الثمره اي si on a compris ce sens le sens de ce nom et ce qui renferme comme sagesse et comme fawaid فنحن كذلك on doit faire des efforts في هذا ان الله رفيق يحب الرفق et dans ce hadith يحب اهل الرفق قال رحمه الله وبالاخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم خاصة هذا celui qui veut faire du khayr celui qui veut montrer aux autres الهدى الرشد il doit posséder et faire des efforts في هذا الرفق لماذا لأن celui qui montre avec douceur c'est pas comme celui qui montre avec dureté Même si les deux ils ont le haq, même si les deux ils ont le dalil. Bel, on vit à une époque anna kathiran min an-nas la ya'tanuna bid dalil. Kathir min al-muslimin ils se basent sur le comportement, sur le rifq. Si tu es doux, ils acceptent, même si tu n'as pas le haq. Si tu es dur, ils refusent, ils rejettent, même si tu as le haq. C'est pour ça que ahlul bid'ah wa dalal ils utilisent hada. لماذا لأنهم ils ont compris أن les gens كثيرا à cause de leur ignorance et ils donnent pas de temps à étudier les textes et la akhira ils se basent sur le comportement prends l'exemple de جماعة التبليغ الضلال الجهال كم من الناس ils ont suivi لماذا لأنهم يتصنعونهم هم سبي تكلف أحيانا et ils se basent sur ça et في الحقيقة on a dit رفقهم في شيء من التصنع لماذا لأن si tu es contre eux ils ont plus de rifq Et هذا في الحقيقة, ça montre que c'est pas الرفق que Allah سبحانه وتعالى il aime. لأن الله عز وجل قال إن الله رفيق يحب أهل الرفق. أهل الرفق c'est الرفق dans toute chose. Mais si واحد il est d'accord avec toi, tu es رفيق. Et s'il n'est pas d'accord avec toi, tu es chédid. فهذا في الحقيقة c'est du رفق pour ton nefs. Et هذا tout le monde. La plupart des gens, ils ont هذا. Quand tout va bien, ils ont la douceur, ils sont souriants. Et quand واحد il est contredit, ils s'énervent, ils sont durs. هذا. Mais nous, on doit faire des efforts vers الرفق. الرفق qui est cité vers الدليل. Et celui que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé, que Sahaba radiyallahu anhum, ils ont suivi. قال وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم. أمر الناس أي يأمرهم بالمعروف ونهيهم أي ينهاهم عن المنكر. أي va appeler les gens au bien, il va les mettre en garde contre le mal. وإرشادهم, ça revient au sens du premier nom qu'on a étudié aujourd'hui, أي leur montrer الرشد, leur montrer la guidée. Et ça c'est من الأسباب العظيمة. لأن celui qui a du ilm et celui qui fait da'wa, il est responsable. On ne dit pas comme certains, l'essentiel c'est al-haq, s'il n'accepte pas, c'est qu'il n'aime pas al-haq. L'essentiel c'est al-haq, là qu'il y a une façon de montrer. Et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يسروا c'est من الرفق وبشروا c'est من الرفق. Donc al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien montré qu'il y a une façon de montrer al-haq. Quand tu peux faciliter à ton frère, facilite. Quand il n'y a pas de raison de lever la voix, de s'énerver, on n'a pas besoin de lever la voix et de s'énerver. Et كذلك, prendre en compte la situation de celui à qui tu vas parler, ou à qui tu veux montrer. Robama il est faible, Robama il sait pas, Robama il a subi une épreuve, Robama va. T'essayes de l'aider, fi hada al-hal. Et parmi les meilleurs moyens de l'aider, deux choses, al-ilm ou al-rifq. Al-ilm et le bon comportement. Amma, dissocier les deux, ou n'avoir que une de ces deux caractéristiques, c'est pas la guidée. Bardanas, ils ont du ilm, là qu'ils ont un manque de rifq. Et haoula, ils se font du mal. Et robama, leur ilm, ils profitent pas aux autres. Enfin, ils ont un taqsir, même s'ils sont guidés par leur ilm, ils ont un manquement dans le comportement. Bardanas, on a cité l'exemple de Jama'at al-Tabligh. Ils essayent de montrer de la douceur, lakin c'est des ignorants. Haoula, ils font du mal. Jiddan. Il y en a l'essentiel, c'est pas que un tel et un tel, ils viennent au masjid et ils fassent partie de tel groupe. C'est pas ça. L'essentiel au départ. Au départ, c'est de lui montrer al-haq. S'il connaît al-haq, et on lui fait da'wah comme il faut, il viendra au masjid. بإذن الله عز وجل يفرع الصلاة إلى آخره. قال فإنه مضطر إلى الرفق أي الداعي إلى الله. Celui qui appelle à la religion d'Allah سبحانه وتعالى. واللين. اللين c'est un mot qui ressemble au rifq. C'est la douceur. وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق ولين. هذا كنا cité ensemble. أن الرفق c'est كذلك quand tu subis une épreuve ou quand tu es attaqué ou insulté ou accusé. Enfin, tant que tu peux avoir de la douceur, خاصة quand c'est par rapport au din. أما quand c'est par rapport à ton nefs ou autre chose, ربما الأمر إلى أهون. لكن quand c'est pour din الله عز وجل, fais attention de ne pas t'énerver pour ton nefs. لماذا؟ لأن الدعوة هي عبادة. العبادة فوق سؤال الله. أما celui qui s'énerve pour son nefs et ربما son énervement il fait fuir les gens de la religion d'Allah عز وجل, c'est très très grave. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. On a des manquements في هذا, لكن الإنسان il demande à الله عز وجل, il fait des efforts. قال وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة. L'aqwal al-bashi'a, des mauvaises paroles, qabiha. Wa sana lisanahu an mushatamatihim. Sana lisanahu ay hafidha lisanahu. Si wahad il l'insulte, fahuwa, il préserve sa langue. Limadha li anna, celui qui t'insulte, c'est un ignorant, rubbama. Rubbama, il connaît pas ce que tu connais. Rubbama, il a oublié qu'Allah, il le voit, il l'entend. Amma anta wallahi alhamdi ala ilm. Fa ne parle pas comme al-jahilin, comme al-sufaha. قال ودافع عن نفسه برفق ولين. Ça veut pas dire qu'on se défend pas. لكن حتى الدفاع, حتى quand on se défend, on repousse le mal, c'est برفق ولين. C'est avec douceur. لأن l'essentiel c'est de repousser le mal. Si tu peux le repousser avec رفق ولين, فافعل. قال ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم. Avec cette tariqa, tu vas repousser le mal et en plus tu seras tranquille, reposé. كذلك tu seras une cause de bien. Mais celui qui repousse le mal, même si tu as subi une injustice, لكن tu repousses le mal en perdant tes moyens, en criant, en insultant, probablement tu dépasses les limites. Après que cette épreuve elle passe et tu te calmes, tu regretteras beaucoup de choses. Et ça arrive, هذا كثيرا. Ça arrive كثيرا. ولهذا الانسان ينتبه. On perd pas nos moyens. بعض الناس ils ont une fi'al ajib. Sallallahu alayhi wa sallam. Une petite chose, tu les vois tout calmer et ils perdent leurs moyens et probablement ils font des choses très très graves. Et on fait attention هناك كذلك ان الشيطان كم أظل من الناس avec une شبهة ربما هذا الإنسان يدي ما أنا je suis comme ça, mon tempérament il est comme ça, et on a déjà نبع عن هذا. لا, الله سبحانه وتعالى أمر بالرفق, إن الله رفيق يحب أهل الرفق. On fait des efforts. صحيح أن بعض الناس ils ont هذا naturellement, ils ont du رفق et ils ne perdent pas leurs moyens et ils sont calmes. بعض الناس ils ont le tempérament plus chaud. لكن celui qui fait des efforts pour contenir son nafs et garder ses moyens, فبإذن الله عز وجل il sera على خير. Et تأمل قوله عز وجل كما في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن, ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تأمل ذو verset. ادفع بالتي هي أحسن. أي quand tu subis une injustice, repousse de la meilleure des manières. Si tu peux repousser sans lui faire du mal, il a arrêté, fais repousse. L'essentiel c'est que tu sois pas touché par un mal. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. Et cette personne qui avait de l'animosité envers toi, ربما il t'a insulté, ربما il voulait t'attaquer, ربما فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي تقدم معنا الولي c'est quoi? الولي c'est celui qui t'aime, qui veut te rapprocher, qui veut se rapprocher de toi, un ami proche. كأنه ولي حميم. حميم هنا c'est بمعنى très très proche, qui va beaucoup t'aimer. Alors que c'était un adou, c'était un ennemi. C'est quoi qui a fait changer هذا العدو حتى c'est devenu un allié, un ami? C'est le comportement, ce rifq. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. C'est pas n'importe qui في الحقيقة qui arrive à appliquer هذا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. Ceux qui arrivent à appliquer هذا, à contenir leur nerf, à se calmer, c'est الذين صبروا. C'est ceux qui patientent. Ce qui va t'aider à patienter, أخي الكريم, أن ton être سهل, خاصة quand c'est في دين الله عز وجل. أن on t'a insulté, أن on s'est moqué de toi, أن on a dit l'amr سهل. Aujourd'hui il se moque, demain il s'excuse, alhamdulillah on n'en parle plus. لكن regarde quelque chose de avant, est-ce que avec ton comportement, ta façon de faire, tu peux être une cause pour qu'il soit guidé? Et في الحقيقة si on arrive à appliquer هذا, tu vas ressentir ce que Cheikh Saadi l'a cité هنا رحمة الله عليه. الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم. Même si t'as mal parlé au départ, il a akhiri, tu m'entends avec un bon comportement, tu le repousses. Ya fulan, ittaqillah, il a akhiri, t'arrives à le raisonner. Et ouah, robama, il va s'excuser, il va voir qu'il a été trop loin. Avec ton comportement, tu n'as pas répondu, pas par faiblesse, pas par manque de courage, là. لأن تخاف الله عز وجل, لأنك تخاف الله عز وجل. Si, ouah, après cela, il s'excuse, il te demande pardon, ثم il te respecte, tu vas oublier tout ce qui t'avait dit de mauvais. Et tu vas ressentir الراحة. أما البعض, ils démarrent très très vite. Et Obama واحد, il veut leur faire du mal. Et ils font encore plus. Et à la fin, ça devient eux les injustes. نعوذ بالله من هذا الحال. قال رحمه الله: ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد الشيء وجريانها على وجه السعة واليسر ومناسبة العباد وما في خلقه من الحكمة إذا خلق الخلق أطوارا. On a cité ces amthila. On a cité ces amthila. والرفق في شرع الأحكام. هذا يا بوكو دكزامبل. مثلا celui qui peut pas faire salat debout fa assis. Ça c'est من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده. Celui qui ne peut pas assis fait coucher. Celui qui ne peut pas faire l'wudu, les ablutions. Les mazas, les anaou, il ne peut pas utiliser l'eau ou il ne trouve pas d'eau. Fa'at-tayammum. Celui qui n'a pas d'argent pour faire le hajj, il est excusé. Celui qui est en voyage, fa la salat c'est plus 4 raka'a, c'est 2. Et il peut les rassembler. Tout ça c'est min al-rifq. Celui qui ne peut pas faire siyam, les mazas, les anaou, il est malade en voyage. Il ne jeûne pas et il rattrape quand il peut. La femme enceinte, si elle est fatiguée, elle a du mal, elle ne jeûne pas. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines, des centaines d'exemples. Tout ça, ça doit provoquer en nous. Et on a cité souvent ces fruits. Al-Mahabba. Ça doit augmenter notre amour pour Allah Azza wa Jal. Et كذلك الشكر. Et كذلك, faire des efforts nous-mêmes pour avoir du rifq envers les autres. L'être humain, il aime le rifq. L'être humain, il a été créé comme ça. T'aimes bien quand quelqu'un est doux. Ben, si tu aimes que les gens ils soient doux, essaye un takadalik d'être doux. Khas, satan avec tes proches. On vit à une époque, si tu n'as pas de douceur ou tu manques de douceur, Arubama, il te délaisse. Il délaisse ton ilm, il te délaisse toi. Et hada, c'est un khata. كذلك هذا ça fait pas partie de la douceur. Il y en a بعض الناس ils veulent de la douceur et eux-mêmes ils sont pas doux. Il y a le bab التعاون خاصة avec les proches. كل واحد il fait à l'autre ce qu'il voudrait pour lui-même. Tu aimes la douceur, si on parle d'un couple, on parle de deux amis, on parle de un t'as avec ton fils ou on parle de muhim les personnes qui te sont proches, si un t'as tu veux de la douceur, donne de la douceur. Et même si lui manque de douceur, un t'as donne. Et tu verras que idnillahi azza wa jalla ça le touchera. Le verset en haqiqa c'est un adou que c'était, c'est pas un proche. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Hadha al-adou rubama il est touché par ce comportement. Ça devient wali hamim. Fama balouk si c'est un proche. Qala rahimahullah wa naqluhum min halatin ila ukhra bihikamin وأسرار لا تحيط بها العقول. صحيح. Certaines choses c'est au-dessus de nos capacités pour qu'on les comprenne. لكن الحمد لله les exemples que Cheikh Saadi l'a cité rahmatullah alayhi c'est très très clair. قال والرفق من العبد لا ينافي الحزم. Et ça c'est une remarque طيبة importante. أن الرفق ça veut pas dire que l'insan عياذا بالله il se laisse faire. Ça ne veut pas dire que l'insan, il n'a pas de la quwwa fi dinillah. Ça ne veut pas dire que l'insan, il n'a aucun principe. Il fait des concessions dans son din. Et au nom de la douceur, fait plus de amr bil ma'ruf, plus de nahi anil munkar, plus de hajr li ahlil bida' ou al kuffar, plus de d'amour et de, surtout de haine envers les ennemis de l'islam. Ça ne contredit pas, hada, abadan. Bel fil haqiqa al hajr. Et boycotter Al-Kuffar ou Ahlul Bida' et Ahlul Ma'asi, bien sûr, avec certaines conditions, comme on a expliqué dans notre dars, fi Tahfat al-Ikhwan. Fil haqiqa, hada, c'est min al-rifq. Al-Muslim, fil haqiqa, il a du rifq, hatta pour le kafir. Li'anna, on fait tout. Et on pourrait les guider, on les guiderait. On fait tout pour que leur montrer le haqq. Enfin, le fait de leur dire, vous êtes des égarés. Tout ce que vous faites, مثلاً, dans cette mas'ala, dans ce point, c'est faux. Fil haqiqa, c'est min al-rifq. C'est pour leur montrer al-haq. Et combien de kafir ils se sont convertis? Bisabab hada. Imada, les anoum, ils ont vu qu'ils étaient à la batal. Amma, ma yaf'aluhu al-ba'd, min du'ati al-dhalal, au nom du rifq. Anahum, il n'y a aucun nahi anil munkar. que ce soit Ahlul Bid'a ou le Kufa. Et ils disent jamais aux autres, là, tu t'es trompé, là, hada, c'est batil, hada, c'est faux, là. Ben, ils ont, yadam billah, un fikr khatir. La tolérance, on est tous égaux, tu as le droit de penser ce que tu veux, on a tous nos idées. Est-ce que tu lui rends service? Abadan. Abadan. فلهذا يتقدم معنا هذا الأثر هذا الأثر عن أحد الأئمة كانه يوسف بن الأصباط فيما أذكر رحمة الله عليه أو غيره أنه quand il a parlé sur واحد من أهل البدع et un autre qui était dans l'assise il l'a entendu et lui a dit أما تخاف الله أو كلمة بمعنى هذا أي tu crains pas Allah tu parles sur un tel. Et il lui a dit, oskout ya ahmak. Il lui a dit, tais-toi ya ahmak. L'ahmak, c'est celui qui n'a plus la raison. Et il lui a dit, ana anfa' min waliday. Ou min abih wa ummi. Min abih wa ummihi. Et je suis plus utile, bi idnillahi azza wa jal, que ses propres parents pour lui. Limadha? Il lui a dit, ana je mets en garde les gens contre lui, hatta yawm al-qiyamah. Il n'a pas égaré beaucoup de gens et il aura beaucoup moins de comptes à rendre. C'est la cause de l'égarement d'un autre. Il rendra des comptes. Vendre hadal imam comme il a réfléchi. Le hakim c'est une rahma pour hadal munhari. Lakin vu que on vit à une époque, hadal insan ou kathir min al nas, leur amour, leur haine, leur complicité, leur amitié, c'est fondé sur leur nefs. Tant que tu es doux. Même s'il est fille, halaka ayyadan billah, il dira hada il est tayyib. Et si tu le montres, et on dit avec douceur, nous, le fait de montrer, c'est avec douceur. Lakin, si tu le contredis dans une chose, kathirun minan nas, ils aiment pas. Et Obama, il s'écarte et c'est eux qui te boycottent, ayyadan billah. L'insan yahdar, celui qui te montre le haq, le haqqa, il est doux envers toi. Même en qadar, il l'a montré d'une façon dure. Esbir. Esbir. Regarde l'autre côté. Annahu, alhamdulillah, s'il m'a montré, même si c'est un peu énervé, c'est qu'il veut mon bien. Est-ce qu'un de nous, il accepterait? Mathalan, tu sors de Hadal Bayt, et je connais un danger pour vous. Vous avez l'habitude d'emprunter tel chemin, il y a un danger, je vous dis rien. Est-ce que quelqu'un accepterait là? N'importe qui, même un kafir qui, s'il serait présent, ma'ana, va dire, mais pourquoi tu nous as pas dit? Le fait que tu nous aurais dit, c'est minarif, c'est de la douceur, tu vois notre bien. فكيف بخطورة البدع والشرك les égarements qui sont très très graves pour l'insan. أما الدنيا peut-être que tu vas te faire blesser, peut-être que tu vas perdre la vie. Et on mourra tous, الأمر il est أسهل. أما celui qui perd son دين فالأمر il est خطير. فهذا سنتنبيه مهم. قال والرفق من العدل لا ينافي الحزم. الحزم c'est le fait de s'accrocher. Le fait d'avoir des convictions strictes, c'est être strict. Et on n'ouvre pas la porte comme on a dit. On ne met plus en garde contre le shor et on se tait et ayyadan billah, on perd notre din comme les chrétiens l'ont perdu. قال فيكون رفيقا في أموره متأنيا ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سنحت ولا يهملها إذا عرضت. إذا سنحت أي تهيأت. Quand tu as une occasion. Il m'a de faire un khayr, il m'a de montrer aux autres, il montre. Léana, on a un autre problème, léana, ba'dannas. Robama, il montre plus. Limada, léana, ça fait peur aux gens. Ou les gens, ils vont fuir. C'est pas notre problème, nahnou. Nahnou, notre problème, c'est de montrer avec deux choses. L'ail. Et, hada, stafadna, min ism, ou min wasf, rushd. Aïe, la guider. Et, الرفق في الحقيقة c'est le résumé des deux noms qu'on a étudié ensemble aujourd'hui. C'est ça نحن الأهم. On parle avec علم et avec حكمة. Ça fait peur aux gens, ils sont pas d'accord, ils ont pas l'habitude. C'est pas une solution de les laisser. On montre. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui accepte pas, فهذا c'est lui le fautif. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a été chassé de Mecca? Pourquoi ils l'ont accusé de fou? De poète? Il a akhir toutes les épreuves qu'il a subies. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est a'lam al-nas et c'est arfaq al-nas bil khalq. Et ma'adha, beaucoup de gens, ils n'ont pas été d'accord. Donc celui qui veut que tout le monde soit d'accord, ma'adha, il se trompe. Là, applique al-ilm ou al-rifq, celui qui est d'accord. Alhamdulillah, celui qui n'est pas d'accord, fa innaka la tahdi man ahbabt. فهذان أو le premier, le deuxième اسم et le premier وصف فهذان الاسمان pour ceux qui disent que الرشيد il est ثابت فمعاني جميلة qu'on a essayé de simplifier ensemble ولله الحمد نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس والحمد لله رب العالمين إن شاء الله